La chronique des ambassadeurs de Chibougamau avec notre ami Michael Godreau. Les ambassadeurs, deux défaites au cours de la dernière fin de semaine. Salut, Michael. Salut, Dan. Oui, ça va bien, Michael. Il y a deux matchs, évidemment, c'était l'ouverture de la saison locale. Deux défaites contre les Marquis de Jonquière. Et ça devait être décevant. Oui, Colin, on avait une belle foule. Les gens ont répondu. Notre Ariana venait juste de préparer. Les gens ont répondu, avaient hâte de voir du hockey. Sauf que les joueurs, eux, ont pas répondu à leur juste valeur. Je sais pas si c'est les victoires dans cette semaine passée à Alma qui les a fait redescendre sur terre, mais là, ils ont vu que dans cette ligue-là, cette année, une jet 2B, ça va prendre, il fallait qu'on se présente à tous les trois. Est-ce que ça a été, donc, défaite de 2 à 1 dans ce match-là? Tu peux dire qu'on s'est pas présenté, mais c'est quand même été un bon match. Et plus, quand tu parles, on s'est pas présenté, c'est plus dans l'autre match, là. Oui, sauf que moi, je le dis tout le temps, il y a des manières de gagner, il y a des manières de perdre. Vrai. Puis cette manière-là de perdre, là, même si c'était 2 à 1, moi, dans mon livre à moi, c'est une défaite pas le fun à avoir parce que les joueurs se sont ils respectaient pas le plan de match. On était indisciplinés. Fait que c'est comme je le disais, moi, perdre 2 à 1 ou 6 à 1, ça m'importe peu, c'est la manière qu'on a. OK. Si on parlait maintenant d'en fin de semaine, en fin de semaine, c'est deux autres matchs, vous allez être à Chibougamau, ce sera pas facile contre les Aiglons d'Alma qui représentent avec les Castors de Lebeau une belle surprise cette année. Ouais, ben les Aiglons, c'est une surprise, oui puis non, là. Ils ont une équipe avec le... Oui, ils ont du juvénile, je comprends ça. Ouais. Mais on s'attendait un peu qu'elle allait avoir une bonne équipe, là, seulement qu'une équipe avec le bassin qu'ils ont à Alma. Mais écoute, on a joué contre eux autres l'autre fin de semaine d'avant. On était chercher une victoire à la maison contre eux autres. Eux autres étaient à la maison. Fait que mon équipe, là, je pense que quand ils vont se présenter à tous les soirs puis qu'ils vont appliquer et comprendre le plan de match, je m'inquiète qu'on est capable de rivaliser pas mal avec les équipes. Mais en fait, c'est quand même une équipe jeune. Tu dis deux vétérans seulement qui reviennent. Donc, tu peux pas blâmer vraiment les jeunes, dans le fond. Là. Ils sont en apprentissage. Tu sais, le principe de Rock à Rock Beaulieu, c'est qu'après les fêtes, l'équipe changeait dramatiquement. C'est à peu près ça qui va arriver aussi. Là. Oui, c'est ça, mais le message est juste différent. Quand t'as une équipe de vétérans puis une équipe de jeunes, après une défaite comme ça, le message est différent. Je sais qu'il faut pas donner le même message. Mais comme je disais tantôt, il y a des manières de perdre. T'sais, si on perd par manque d'expérience, c'est correct. Je vais le comprendre, puis on va acquérir de l'expérience. Mais quand c'est un manque d'effort, un manque de travail, ça, là, moi, j'ai de la misère à envahir ça, puis les joueurs, ils l'ont su, puis les joueurs, ils l'ont compris. Je pense qu'en fin de semaine, on devrait voir un changement. OK. Donc, on s'en reparle évidemment au cours de la prochaine fin de semaine. Michael, autre chose à ajouter, peut-être du côté des blessés, est-ce que ça va bien de ce côté-là? Non, côté des blessés, ce côté-là, ça va bien. Tout est correct, moi, ce côté-là. L'équipe, elle se tient bien. C'est juste de l'effort qu'il faut qu'on ait là. Ben, Michael, on se parle quoi, mais mercredi prochain, cadre de la chronique des ambassadeurs. Bon, le secteur chef des ambassadeurs, Michael Godreau.